Ton truc, c'est égocentrique, ton trac, c'est comme un gay centrique. Chaque phase, c'est nos mères tuniques, les vénères, un vrai sadique, t'es vulgaire. Mais chez toi, tu baisses les yeux devant ton père, ou même pas, dans ce cas-là, crève en enfer. Tu m'aimes pas, t'es un scarlat prêt à crever ton frère pour la gloire. Babylonien, tellement t'es fier. Mélange pas le rap de Kai avec l'islam, l'apologie du mal, chez moi c'est haram. T'as pas de racines, mais détourne pas ma religion. Si t'es raciste, faut t'engager dans la légion. T'es disquaire, engraine les petits en bas des tours. Tes discours, on fait passer Le Pen au premier tour. Conséquence, moins de visa pour mes potes au pays. En vacances au bled, tu combattis, en vérité tu trahis. Ta honte de tes darons immigrés africains. Bounty pour les blédards, t'es qu'un minet friqué. Tes cousines, tu les dévierges, tes incus, tu les engraines. Pas de là-bas, t'es juste une pourriture ricaine. Sale chien, tu crois que tu milites, tu ferais mieux de te taire. Si le rap existait pas, tu serais flic ou militaire. Produit de conso, tu suces la mode, tu suis l'arnouche. Des bourgeois renois, tout le monde se la fait façon manouche. Parle de caravane, tu ricanes une cartouche, ricane. Je lance la mode du gentil gitan en babouche. V'là de carnage, de la consanguinité dans les roulottes ou les apparts. Tu crois que tu fais du rap, t'articules comme un myopathe. Gesticule comme un pantin, fais l'éloge de l'argent sale. Shaitan, pour Babylone, t'es qu'une pute qu'on remballe. L'horreur, t'es heureux quand t'as des euros. Tu cries nos futurs, tu cries les neurones. Gros faf, trop futile, t'es un traître, un capot. Incapable, matérialiste, bling bling comme Sarko. Tu veux vendre des disques, c'est toi le vendu. Génération multimédia comme les médias, tu donnes ton cul. Dans la même lignée que la Fox est en démol. Et le patron de Skyrock est promis sur le viol. C'est l'entrée des artistes qui battent les femmes, détruisent les gosses. La bête attise les flammes, de plus en plus grosse. C'est quoi ton truc déjà, les go trip? Moi déjà m'a dit que les go tronc. Arme à feu quoi, défonce des dans tes clips. Gardien de la guerre comme les kiss des tu pompes. Tes paroles mentent et ton score monte. Mais le jour des comptes, il sera trop tard pour avoir honte.